We Are The World du collectif USA for Africa sur RGM. 8h40, on est toujours dans la matinale, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 7 mars 1952, naissance de Corinne Marino, bassiste française du groupe Téléphone. 1956, naissance de Bryan Cranston, acteur américain vu dans Il faut sauver le soldat Ryan dans le rôle du colonel Bryce du département de la guerre, vu également dans Little Miss Sunshine, La Défense Lincoln, Contagion, Total Recall, Mémoire programmée, Argo de Ben Affleck, connu pour son rôle de Hal dans la série télé Malcolm, vu également dans How I Met Your Mother, Breaking Bad dans le rôle de Walt White, alias Heisenberg. 1960, naissance d'Ivan Lendl, ancien joueur de tennis tchèque, ayant fait carrière de 1978 à 1994, qui en simple a été numéro 1 mondial en 83, qui a remporté 3 fois Roland Garros, ainsi que 3 fois l'US Open, 2 fois l'Open d'Australie, et 2 fois finaliste à Wimbledon. En double, il a été 20e mondial, demi-finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open et 16e de finaliste à Wimbledon. Il a remporté avec la République tchèque une Coupe Davis, c'était en 1980, et une World Team Cup obtenue en 81. 1963, naissance de E.L. James, romancière anglaise, auteur de la série de romans à succès, hein, 50 nuances de gris. 1970, naissance de Rachel Weisz, actrice britannique, connue pour son rôle d'Evie Carnahan O'Connell dans La Momie, ainsi que Le Retour de la Momie, vu aussi dans Stalingrad dans le rôle de Tanya, The Constant Gardener dans le rôle de Tessa Cale, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Ma Blueberry Nights dans le rôle de Sue Lyne, Jason Bourne L'Héritage dans le rôle du docteur Martha Shearing, Le Monde Fantastique d'Oz dans le rôle d'Evanora, la méchante sorcière de l'Est. 1971, naissance de Peter Sarsgaard, acteur américain, vu dans L'Homme au Masque de Fer dans le rôle de Raoul, dans Jared, La Fin de l'Innocence dans le rôle de Troy, Green Lantern, Blue Jasmine en 2016 dans Les Sept Mercenaires et plus récemment dans Escobar. 1973, naissance de Sébastien Isambard, chanteur français du groupe Il Divo. 1974, naissance de Jenna Fischer, actrice américaine connue pour son rôle de Jenna dans le film Lolly Love, où elle est également réalisatrice et scénariste, et connue pour son rôle de Pam Beasley dans la série télé The Office. 1975, naissance de T.G. Tyne, acteur américain connu pour son rôle de l'entomologiste Dr. Jack Hodgins dans la série télé Bones, vu également dans Walker Texas Ranger, Ma Famille D'Abord, Angel, Charmed, FBI Porté Disparu ou encore 24 heures chrono. 1977, naissance de Jérôme Fernandez, ancien handballeur français devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de joueur de 1993 à 2017 en jouant à Bordeaux pour les Spacers de Toulouse, à Montpellier, à Barcelone, au BM Ciudad Real, au THW Kiel, au Phoenix de Toulouse, au Pays d'Aix UCH. Aujourd'hui entraîneur de l'équipe Pays d'Aix UCH et durant sa carrière en club avec le FC Barcelone puis le BM Sociedad Real, il a remporté 2 Ligues européennes des champions en 2005 et 2009. Il est également double champion de France avec Montpellier, quadruple champion d'Espagne avec l'équipe de France dont il a été le capitaine de 2008 à 2015. Il est double champion olympique 2008-2012, triple champion d'Europe 2006-2010-2014 et quadruple champion du monde 2001-2009-2011 et 2015, l'un des internationaux français les plus titrés avec 9 médailles d'or. Il est également le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 1463 buts marqués. 1981, naissance d'Arnaud Conceau, humoriste français découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire. 1982, naissance d'Aaron Diaz, acteur et mannequin mexicain connu pour son rôle de Léon Vélez dans la série télé Quantico. 1987, naissance d'Atem Ben Arfa, footballeur français, professionnel depuis 2004, ayant joué à Lyon, Marseille. Il a été prêté à Newcastle avant d'y jouer, ensuite prêté à Hull City. Il a joué à Nice, au PSG depuis 2018, il joue à Rennes. En 322 avant Jésus-Christ, décédé Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, qui avec Platon, dont il fut le disciple à l'Académie, est l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu. En 1999, décédé Stanley Kubrick, réalisateur américain, qui l'on doit Spartacus, Docteur Folamour, 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Shining ou encore Full Metal Jacket. Et en 2004, décédé Paul Winfield, acteur américain, connu pour son rôle du commissaire Traxler dans le film Terminator. Allez, nouvelle pause avec le groupe Téléphone et leur titre, ça, c'est vraiment toi. Hey. et bah ça fait du bien, un bon vieux téléphone sur le 107FM avec ça, c'est vraiment toi. Si vous n'étiez pas réveillé à 8h49, je pense que maintenant c'est le cas. Allez, on file tout de suite faire un point sur la météo. La météo. Et comme je vous le disais en début d'émission en parlant du dicton du jour, ce ne sera pas aujourd'hui le plus beau jour de l'année. Loin de là, on va passer la journée sous les nuages avec des averses de pluie également et quelques rafales de vent. Nous sommes en vigilance jaune pour le vent, alors qui soufflera moins fort qu'en début de semaine, mais tout de même, soyez très vigilants. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 9 et 11 degrés pour cet après-midi. Vendredi sera une journée pluvieuse avec quelques éclaircies à prévoir, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévues pour demain après-midi. Samedi sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin et entre 8 et 10 degrés prévues pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le football et la Ligue des Champions et les huitièmes de finale retour. On avait connu la remontada du FC Barcelone. Et bien depuis hier soir, c'est l'humiliation par Manchester United. Les Parisiens qui s'étaient imposés 2-0 sur la pelouse de Manchester United, et bien se sont inclinés chez eux 3-1 face au club anglais, le PSG, et donc éliminé d'ores et déjà de la compétition. Apparemment, la Ligue des Champions, c'est un peu trop de pression pour eux. Et Porto s'est imposé 3-1 face à l'AS Rome. Porto est donc qualifié. Ce soir, c'est de l'Europa League avec Rennes qui affronte Arsenal et Chelsea qui reçoit le Dynamo Kiev. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs. On connaît d'ores et déjà deux demi-finalistes puisque Rouen a remporté sa série 4-0 face à Chamonix et Grenoble a remporté sa série 4-0 également, c'était face à Nice. En basket, résultat de NBA, l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker s'est inclinée 84-91 face à l'équipe de Miami. 9 points, 7 rebonds pour Batum et 2 points et 5 assistances pour Tony Parker. L'équipe de Washington de Miami qui n'a pas joué s'est imposée face à Dallas. Les Chicago Bulls de Luau Cabarro à 3 points et 4 rebonds se sont imposés 108-107 face à Philadelphie. Utah Jazz de Rudy Gobert en forme, toujours 22 points, 13 rebonds, s'est imposé face à l'équipe de Nouvelle-Orléans, 104-114. L'équipe de Phoenix de Okobo à 2 points s'est imposée 107-96 face à l'équipe de New York. Et enfin, l'équipe de Boston de Yabusele qui n'a pas joué s'est imposée face à Sacramento, 109-111. Un mot de tennis avec le tournoi d'Indian Wells. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Zheng et Alizé Cornet sera opposée à Tomljanovic. Et côté messieurs, Herbert affrontera Kohlschreiber, Benoît Paire sera opposé à Gunes Juanan et Jérémy Chardy lui affrontera Giron et Humbert lui sera opposé à Marterer. Et on termine cette actualité avec du biathlon. Ça y est, c'est parti, championnat du monde à Östersund débute cet après-midi avec le relais mixte. Dans l'ordre de départ, ce sera Anaïs Chevalier qui donnera donc le départ de ce relais mixte, qui le passe sera ensuite à Julia Simon. Simon Détieux sera le troisième relayeur. Il courra en même temps qu'un certain Johannes Bø pour la Norvège. Et Martin Fourcade sera le dernier relayeur français. Il sera sur la piste en même temps que Christiansen pour la Norvège, Windisch pour l'Italie ou encore Bénédicte Doll pour l'Allemagne. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec le groupe Il Divo et leur reprise du titre Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me groupe Il Divo sur RGM. Un peu plus de 8h58, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 14h, Clip Clapontonne avec Tanguy. 16h, Les Années Bonheur avec Gilou. 20h, Débat Déo. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.